De bien des principes j'ai fait fi, car je n'en ai qu'un qui me suffit, c'est de ne faire aux autres que ce que je voudrais que l'on me fît. Pour connaître un bonheur quotidien, il est peut-être plus d'un moyen, pourtant je ne crois pas qu'il en soit de meilleur que le mien. Pour être heureux comme je veux être heureux, nous devons être heureux tous les deux. Ma bonne humeur comme un soleil joyeux, je veux la voir briller dans vos yeux. Pourquoi ne pas vous donner du bonheur? C'est mon plaisir le meilleur. Pour être heureux comme je veux être heureux, nous devons être heureux tous les deux. Personne jamais ne m'a prouvé, avec des mots aussi bien trouvés, tant de sympathie et de bonté, en vérité je crois rêver. J'ai prouvé le bonheur le plus doux, mais ce qui me rend fière entre nous, ce bonheur si doux, c'est de savoir que je l'ai grâce à vous. Pour être heureux comme on doit être heureux, nous devons être heureux tous les deux. Ma bonne humeur comme un soleil joyeux, je veux la voir briller dans vos yeux. Si je dois faire s'envoler vos soucis, les miens s'envolent aussi. Pour être heureux comme on doit être heureux, nous devons être heureux tous les deux. Pour être heureux comme on doit être heureux, nous devons être heureux tous les deux. Ma bonne humeur comme un soleil, je veux la voir briller dans vos yeux. Si je dois faire s'envoler vos soucis, les miens s'envolent aussi. Pour être heureux comme on doit être.